Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 5 mars, suivant la météo, on pourrait croire que c'est la fête à la grenouille, on en parlera tout à l'heure, mais non, aujourd'hui nous souhaitons une bonne fête aux olives. Le dicton du jour nous dit, autant de gelée en mars, autant de rosée en avril. Pas de célébration aujourd'hui et pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 5 mars, on passe donc tout de suite à un message de la CPAM. C'est un message de l'assurance maladie. Le cancer colorectal est le deuxième le plus meurtrier. Il concerne les hommes et les femmes. Dépisté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Vous avez 50 ans et plus, vous êtes concerné, ayez le bon réflexe, adoptez le dépistage tous les 2 ans. Facile à réaliser et gratuit, le test peut vous sauver la vie. Parlez-en avec votre médecin. L'assurance maladie. Voilà donc pour le message de la CPAM et tout de suite on s'écoute Murray Head et son titre One Night in Bangkok. Of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pulse ain't free. You'll find a god in every golden oyster. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's sweet as such a pity to be looking at the bar, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded, polluted, stinking town. Sweet girls, warm and sweet, sweet Somerset up, bring the Somerset on, sweet. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. Watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pools ain't free. See? Murray Head, One Night in Bangkok sur RGM, un peu plus de 8h35, on parle anniversaire. Ils sont nés un 5 mars 1946, naissance de Murray Head, chanteur britannique. 1952, naissance d'Alan Clark, musicien britannique, claviériste du groupe Dire Straits, dont on écoute un extrait du titre Sultans of Swing. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, voilà pour l'extrait des Dire Straits. 1969, naissance d'MC Solar, chanteur français qu'on écoutera dans quelques instants. 1970, naissance de John Frusciante, musicien américain guitariste du groupe Red Hot Chili Peppers. On écoute un extrait de leur titre Californication. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Voilà pour les Red Hot Chili Peppers. On continue les anniversaires. 1974, naissance de Kevin Connolly, acteur américain connu pour son rôle de la série Entourage. Il incarne Eric Murphy. C'est également l'année de naissance de Mathieu Delormeau, animateur, chroniqueur, producteur télé français, pardon. C'est aussi l'année de naissance d'Eva Mendes, actrice américaine, vue dans Fast and Furious 2 dans le rôle de Monica Fuentes. Il était une fois au Mexique, Desperado 2, Hitch, expert en séduction, dans le rôle de Sarah Melas, Ghost Rider, dans le rôle de Roxanne Simpson, ou encore Lost River dans le rôle de Kat. 1976, naissance de Shirley Bousquet, actrice française, vue dans la série télé Sous le soleil dans le rôle de Jeanne Bouvier, Caméra Café dans le rôle de Nancy Langer, rôle qu'elle a d'ailleurs repris dans le film Espace détente, vue également dans la série Victoire Bonneau dans le rôle de Valeria, Nos chers voisins, scène de ménage. Depuis 2019, elle incarne Laetitia dans la série Un si grand soleil, et on a pu la voir récemment également dans la série Sam. 1980, naissance de Renan Luce, chanteur, auteur, compositeur français. Et on termine en 1989 avec la naissance de Jack Lloyd, acteur américain connu pour avoir incarné Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Allez, tout de suite, on s'écoute MC Solar avec le titre Caroline. Au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils toujours comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis, à sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles, à ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de traits qui piquent ton cœur. Las de traits qui piquent ton cœur. Las de traits qui piquent ton cœur. Caroline. Je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique. Pour prendre ton cœur, il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main, fumant le même ego, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofina. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack, mon amphétamine. Caroline. Je repense à elle, femme actuelle, 20 ans, jeune et jolie. Remets donc le film à l'envers, magnéto de la vie pour elle. Faut-il l'admettre, les larmes ont coulé, hémorragie oculaire. Vive notre amitié, du passé, du présent, je l'espère, du futur. Je suis passé pour être présent dans ton futur. La vie est un jeu de cartes, Paris un casino. Je joue les rouges, cœur, carreau. L'as de trêve qui pique ton cœur, carreau. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. Je suis l'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur. L'as de trêve qui pique ton cœur, Caroline. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline d'MC Solar assure le 107 FM. Il est pile 8h44 et il est temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Je vous disais en tout début d'émission que ça pouvait être la fête à la grenouille aujourd'hui parce qu'on va passer la journée sous la pluie. Et le vent sera également présent pour nous accompagner tout au long de cette journée. Des températures comprises entre 6 et 7 degrés ce matin, entre 10 et 11 degrés pour cet après-midi. Pour vendredi, ce sera encore de la pluie. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 5 et 7 degrés prévus pour demain après-midi. Samedi marquera le retour des éclaircies, tout de même accompagné de nuages. Des températures comprises entre 0 et 1 degré samedi matin, entre 5 et 6 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file faire tout de suite un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football, Coupe de France et la victoire hier soir du Paris Saint-Germain à Lyon, 5 buts à 1, le PSG donc qualifié pour la finale. L'autre demi-finale, c'est ce soir, elle oppose Saint-Étienne à Rennes. Un mot de football féminin avec le tournoi de France et nos Françaises ont battu les Canadiennes hier soir, 1 but à 0. Elles remportent ainsi le premier des 3 matchs de ce tournoi. Un mot de tennis avec le tournoi de Lyon hier, l'élimination d'Alizé Cornet en 3-7 face à Georgie. Qualification en revanche de Caroline Garcia en 2-7 face à Bonaventure et d'Océane Dodin en 2-7 face à Mimela. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera Friedman. Un mot de basket avec les résultats de la NBA. Cette nuit, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier s'est inclinée face au Heat de Miami, 116 à 113, 17 points pour le français. Et il y avait un duel franco-français entre l'équipe de New York de Tilikina et l'Utah Jazz de Rudy Gobert. Et c'est l'Utah qui s'est imposé 104 à 112, 2 points pour Tilikina et pour Rudy Gobert, c'est 18 points et 14 rebonds. Un mot de biathlon, l'étape de Nové Město débute aujourd'hui à 17h35 avec le sprint féminin. D'habitude, je vous donne le dossard des Françaises et des athlètes, des biathlètes à suivre lors de cette course. Eh bien, malheureusement, à l'heure actuelle, je n'ai pas cette fameuse liste de dossards. Donc, je ne peux malheureusement pas vous les communiquer. En tout cas, voilà, 17h35 pour encourager nos Françaises. Et on va parler des Jeux Olympiques et du coronavirus. Hein, le coronavirus qui frappe la France et le monde entier d'ailleurs. On en parle tous les jours aux informations. Je ne vais pas rentrer en détail. Mais juste pour vous dire que pour l'instant, le CIO n'a évoqué ni annulation, ni report des Jeux de Tokyo. Parce que c'est vrai que c'était une question qui se posait depuis quelques jours. Et bien voilà, la réponse est tombée hier. Pour l'instant, on ne parle pas d'annuler ni de reporter ces Jeux Olympiques. Allez, on marque tout de suite la dernière pause musicale avec Ronan Luce et son titre « La lettre ». J'ai reçu une lettre il y a un mois peut-être, arrivée par erreur, maladresse de facteur, aspergée de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Je veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Jolies marguerites sur le haut de ses i, des courbes manuscrites comme dans les API, quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraphe, ta petite plante sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Sur la falaise où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste, une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient, des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux battre Newton car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche, je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu, veut bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. La